Un après-midi chez Claude Monet, par Louis Vossel. Claude Monet n'est point le peintre paysan, simple et fruste, que l'on croit à Paris. Aucun rapport entre sa vie et celle d'un Jean-François Millet, terré par l'injuste misère à l'orée du Bas-Bréau, à Barbizon, ou celle d'un Alfred Sisley, végétant dans une masure à l'ombre de l'église de Moret-sur-Loing. Monet, jadis, subit des débuts douloureux. La lutte, les colibets de la foule, les privations. Il s'en souvient et ne nie point ce temps de nécessaires épreuves. Mais s'il a peiné comme un matelot à Belle-Île, livrant bataille aux lames, aux récifs de Port-Domois, de Port-Goulphard, analysant sans trêve les rocs déchiquetés, les falaises triées par l'écume, engluées par les mousses et les lichens, et les bastions de granit battus par la meute des vagues, s'il a décrit sans relâche, d'un infaillible pinceau, les bouquets d'arbres d'Antibes et de Bordighera, et les pins noirs, et les oliviers d'argent pâle, et le ciel indigo. Le voici aujourd'hui fixé, pour bien longtemps et depuis 20 ans déjà, dans ce gracieux pays du Vexin, dont il connaît feuille par feuille les prés et les bois. Claude Monet, en dépit de la soixantaine sonnante, est robuste et dru comme un chêne. Son visage hâlé par tous les embruns et tous les soleils, cheveux poivre et sel, le col nu, largement dégagé, les yeux d'acier clair, d'une pénétration aiguë, des yeux qui voient jusqu'au fond des choses. L'allure fait penser à celle de Meissonnier. Les manières exquises, affables, sont d'un gentleman farmer. Quand nous arrivâmes à Giverny, Félix Bourchard, le beau peintre impressionniste allemand, et moi, le maître vêtu d'un costume de homespun beige à carreaux, chemise de soie bleu plissée, feutre de velours fauve, bottines de cuir rougeâtre, nous fit entrer quelques instants dans un premier atelier dont les murs offraient le résumé de sa vie d'artiste. Une trentaine de toiles, depuis les essais aux côtés de Manet, quelques toiles de la série des Meules, des Cathédrales, des Nymphéas. Mais comme il était déjà 4 heures de l'après-midi, et que les nymphéas se ferment avant 5 heures en été, il nous mena au second jardin. Vous savez que Claude Monet, ayant acheté un vaste clos en face de sa propriété, de l'autre côté de la route, l'inonda en partie pour y créer une rivière. Sur cette rivière, il a jeté des nymphéas à profusion. Les feuilles s'étalent à plat, et parmi leur verdure, la corolle, jaune, bleue, mauve, rose, de la belle fleur aquatique s'épanouit. Une passerelle verte en dos d'âne, près de laquelle Monet pose son chevalet. Des saules, des trembles au feuillage léger, et surtout, sur les bords de la petite rivière, des fleurs par centaines, glaïeuls, iris, rhododendrons, lys rarissimes tachetés de points brunâtres. Le tout forme un décor plus joli que grandiose, un rêve extrêmement oriental. Nous entrâmes au second atelier, qui est spacieux et haut. Bourchard et moi demeurâmes immobiles, muets, éblouis. Ah, la lumière est meilleure que dans les souterrains de M. Durand-Ruel. Partout des falaises de Dieppe, d'Étretat, et des champs de tulipes de La Haye, et les champs de Vétheuil, et la mer, et le ciel. Des églises fantômes évanouies dans la brume. Enfin, une seconde série de nymphéas, à toutes les heures de la journée, au petit matin liliacé, dans le poudroiement mordoré de midi, dans les ombres violettes du crépuscule. La fraîcheur du ton, la subtilité, la fugacité d'impression sont inégalables. Sur la cimaise, bien en vue, une grande toile, le premier tableau de Monet refusé au salon. Des jeunes femmes en crinoline, se protégeant du soleil grâce à de minuscules ombrelles aux manches d'ivoire. Des taches de lumière sur les robes et les visages. Cette toile, brossée en plein air, fut refusée surtout par M. Jules Breton, membre influent du jury d'alors, lequel, en éliminant l'œuvre hardie, annonciatrice, sauva le grand art. Une bibliothèque, peu de livres, mais bon, des photographies d'amis, Stéphane Mallarmé, visage de rêveur d'Olan, la physionomie douce et laborieuse de Gustave Geffroy, Mirbeau et Laride, dur comme un coup de sabre qui lui barre le front. Nous nous installons sur un immense divan de panne crème, et dans la fumée des cigarettes, Claude Monet, souriant, dispos, malicieux, modeste, évoque ses souvenirs et nous conte sa vie. Il a horreur de Paris, où l'on ne peut faire 100 pas sans être harponné par des importuns, des gaffeurs, des snobs indiscrets et incompréhensifs. Il reste parfois 8, 10 mois sans mettre le pied sur les boulevards. Il ignore les coteries, les salons, l'institut. Il préfère ses jardins et son travail. Ce n'est pas qu'il abomine les grandes villes. Il a vécu, paisible, solitaire et ignoré, à Londres, il y a quelques années, lors de la série de la Tamise. Claude Monet rappelle ses tout premiers débuts qui ne furent point dédaignés. Il avait même réussi au salon. Soudain, le besoin de peindre des figures et des objets en plein air l'illumina comme une révélation. De ce jour, il fut perdu pour les gens sérieux. Et c'est au catalogue du salon de 1868 que l'on trouve, pour la dernière fois, trace d'un envoi, navire sortant des jetées du Havre. S'il n'eut pas insisté dans la bonne nouvelle qu'il voulait frayer, il reconnut le succès mondain, les commandes, les médailles. Encouragé par ses camarades, dissidents de l'atelier Glaire, Basie, Renoir, il ne céda pas. Manet, que Claude Monet admirait profondément, il allait boire des bocs au café de Bade pour ouïr l'auteur de l'Olympia, causer avec Baudelaire, le jalousa avec vivacité. Daumigny le comprit de bonne heure et même démissionna d'un juré de salon parce qu'on avait refusé Monet et ses amis. Rares étaient les défenseurs, Burti, Duranti, Castagnari, Théodore Duret. Daumigny fut-il le seul à soutenir l'impressionniste naissant? Que disaient les vrais maîtres d'alors? Tenez, je me rappelle que nous exposâmes, Renoir et moi, dans une petite boutique. Mon tableau était à la devanture. Un jour, je me trouvais là, passe Daumier, maître vénéré, qui s'arrête, lorgne et dit au marchand: qui donc vous force à montrer au public de pareilles horreurs? Je suis rentré chez moi ce soir-là, le cœur navré. Par contre, Diaz, j'eusse préféré que l'éloge vînt de Daumier et la critique de Diaz. S'enthousiasma pour ce même paysage, me serra les mains et me prédit le plus brillant avenir. Et le père Corot qui accueillit les débuts de Pissarro? Le père Corot dit un soir à Guillemet: mon petit Antonin, tu as joliment bien fait de t'échapper de cette bande-là. Je n'ai guère connu, à ces lointaines époques où nous vendions nos toiles 40 francs, qu'un seul amateur vraiment sincère et désintéressé, M. Choquet. Claude Monet nous retrace en quelques mots le portrait de Choquet, fureteur clairvoyant qui, sans fortune, sut accumuler les meilleures choses de Van Gogh, de Cézanne, de Pissarro, ami véritable des peintres et de la peinture. Je n'ai vu que Choquet et Georges de Béliot qui fussent des amateurs, non des spéculateurs. Claude Monet, à l'apogée de la gloire, ne se fait pas d'illusions. Ceux qui nous prônent maintenant nous comprennent-ils mieux que les insulteurs d'antan? Ah, si l'on notait les signatures, lequel de tous vos snobs se risquerait à acheter nos chefs-d'œuvre? Et puis, on exagère notre mérite, et surtout, certains, parmi les jeunes gens des indépendants, au lieu de chercher, ainsi que nous fîmes il y a 30 ans, ont le tort d'étudier de trop près notre technique, notre facture. Ils perdent ainsi tout espoir de personnalité. Ils nous démarquent et le savent bien. Une fois, chez Durand-Ruel, j'aperçus, au moment où j'entrais, un monsieur qui se sauva à ma vue. C'était Monsieur Loiseau. Je parle de l'exposition Gauguin qui se tint ces temps derniers chez Vollard. Gauguin, répond Claude Monet, je ne le comprends pas. Je vois bien ce qu'il doit à Puvis de Chavannes, à Cézanne, aux Japonais, mais je ne vois guère sa part. Je ne l'ai d'ailleurs jamais pris au sérieux, et n'allais pas prononcer le nom de Gauguin devant Cézanne. J'entends encore ce dernier s'écrier, avec l'accent méridional: ce Gauguin, je lui torderai le cou. Je me permis de dire à Monet qu'il me semblait fort injuste. Je prononce le nom d'Albert Bénard. Je n'ai pas eu le temps d'aller à son exposition. D'autres noms? Vuillard, un œil très fin, Maurice Denis, un bien joli talent, et Cy Roublard. Mais Monet, à qui il ne sied guère de s'aventurer sur ce terrain, préfère tisonner dans ses souvenirs et nous ramène à l'époque héroïque. Manet, qui, lui, préférait lutter au salon même, chez l'ennemi, tel Zola voulant forcer les portes de l'Académie, nous traitait de lâcheurs. Et lorsqu'il connut un semblant de succès grâce au sujet, avec son bon boc, il ne décolera pas contre Berthe Morisot, Renoir et moi-même, répétant: « Pourquoi n'êtes-vous pas resté avec moi? Vous voyez bien que je tiens la corde. » Ma première réussite date d'une exposition chez Georges Petit. Monsieur Durand-Ruel ne nous envoyant pas un sol d'Amérique, je finis, car il fallait vivre, par céder à Monsieur Georges Petit. J'exposais à l'International. Les sociétaires me prièrent poliment de ne pas mettre mes toiles trop près des leurs. Cazin, lui, accepta de bonne grâce le voisinage. Seulement, le lendemain matin, dès 7 heures, il venait décrocher ses paysages et les éloignait de 6 mètres. Les critiques décrétèrent gravement que je m'étais assagi. Seul Geoffroy nous défendait bien, mais son Voltaire n'était guère lu. J'exposai ensuite avec Rodin. Georges Petit, flairant le succès, me dit, avant le vernissage, « Je pense que nous aurons le Figaro. » Et tenez, à ce propos, Albert Wolff m'a prié de vous transmettre une invitation à déjeuner pour Rodin et vous. Il vous attend après-demain. Je refusai net. Et Rodin, je ne me rappelle pas. Claude Monet nous entretint ensuite de Cézanne. Il l'admire extrêmement, le tient pour un des maîtres peintres d'aujourd'hui. Voulez-vous voir mes Cézanne, ma collection? Nous acceptons avec joie et montons derrière le maître. Nous voici dans sa chambre à coucher. Au-dessus du lit, large et bas, un Renoir de la plus voluptueuse beauté. Un portrait velouté de jeune femme de Manet, le nègre de Cézanne, chef-d'œuvre éclatant. Ce nègre, culotté de bleu, au torse nu, est un morceau digne de Delacroix. Un paysage de Pissarro, vibrant de lumière, des intérieurs de Berthe Morisot. Une femme à son teub, de Degas, des pommes et l'estac de Cézanne. Une forêt sous la neige de Cézanne. Deux portraits de Claude Monet, l'un de Renoir. C'est le Monet de Fantin dans l'atelier des Batignolles. L'autre, fort curieux, de Sévrac, qui révèle un Claude Monet adolescent au grand front ombragé de cheveux bouclés. Mais le plus noble tableau a pour cadre la fenêtre grande ouverte. Ce sont les coteaux de Giverny, dans la vibration dorée du crépuscule. Nous redescendons, traversons deux salonnets ornés d'estampes japonaises, chimères et dragons, la salle à manger lumineuse et gaie, d'un arrangement whistlerien avec ses buffets, chaises et tables jaune clair. Nous rentrons dans l'atelier. Monet nous parle de sa méthode de peindre. À Londres, lors de la série de la Tamise, où il avait installé tous ses chevalets dans une enfilade de chambres d'hôtel démeublées, il travaillait à 100 toiles à la fois. Quelques touches, un quart d'heure d'étude sur une marine, dont l'effet est à 9 heures du matin, puis il se met à l'effet suivant, et ainsi de suite. Claude Monet repeint nombre de fois le même tableau, et jamais, nous avons sous les yeux d'éblouissants nymphéas, jamais la moindre trace de fatigue. Il est certaines toiles qu'on jurerait peintes de verve en un après-midi, auxquelles ce maître illustre a travaillé pendant plusieurs années. Il peint par accès, par foucade. Lorsqu'il est en train, nul n'a le droit de le déranger, ami, visiteur, acheteur, personne. Puis il reste 8 jours sans toucher à ses pinceaux. Le soir tombe. Un valet de chambre, parfaitement stylé, met le couvert sur la terrasse enguirlandée de vignes vierges, glycines et d'aristoloches. Claude Monet nous reconduisit jusqu'à la grille avec cette aménité de grand seigneur dont il ne s'était point départi. Et il s'en fut donné des instructions aux jardiniers qui, en barque, arrachaient les mauvaises pousses d'entre les nymphéas. Nous échangeâmes nos impressions sur la route, Félix Borchard et moi. « Ce grand homme est un homme heureux et un sage. » Ainsi s'achève un après-midi chez Claude Monet par Louis Bossel.